CZ. Une star, j'ai qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'ai qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'ai qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. Une star, une star, une star, une star. De celles qu'on n'oublie pas, hein. Pas de celles qu'on n'utilise pas, de celles qu'on abandonne à l'hôtel après le sexe, hein. Marre d'être triste pour un objet qu'on prend pour vendre un autre objet. Marre des allusions obscènes qu'on fait sur ses formes ou sur ses projets. Ouais, y'a un cœur derrière le décolleté, y'a même encore des rêves d'écolière. Mais s'il y a personne d'autre pour les relever, la star on est les prises de colère. Ouais, ce monde est cruel, c'est sérieux. La belle ville est mystérieuse. Elle me dit qu'elle veut rien, juste rester. J'sais qu'elle veut voir ce que c'est d'être une star. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. Une star, une star, une star, une star. Même si t'es déjà une star, même vache minimise tellement t'illumines. Tu marches dans la rue, dans la nuit on voit plus que toi, hein. L'amour en DM, tu connais, t'imagines le vrai dans les bras du bon prince. Pour l'instant t'as vu sur ton chemin que des monstres, des chiens, des pinces à la place des mains. Tu devrais signer chez moi, on fera des futurs milléniums. J'suis là, tu n'auras rien à faire, au maximum le minimum. En plus moi bébé j'ai pas besoin d'assistant. Même toi bébé t'as pas besoin d'assistante. Je vais faire de toi une star, je vais faire de toi ma star. Toi et moi. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. J'sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star.